pratique le cinéma. Virus dans les rues, flic, marquis, moment de détente, battu pour les tentes. Image, crâneur, tremblant, sadeur, maigret, civité, leur sexualité. Le cinéma, pornographique. Le cinéma, le cinéma, pornographique. Le cinéma. Je t'aime, je m'aime, la blasphème. Belle, pucelle, beau, puceau. L'entrée dans le ventre de Satan. Le cinéma, pornographique. Le cinéma, pornographique. Le cinéma. Le cinéma, le cinéma.